Chapitre 17e. Je me dirigeais à travers la Picardie sur Boulogne. À cette époque, Napoléon avait renoncé à son projet d'une descente en Angleterre. Il était allé faire la guerre à l'Autriche avec sa grande armée, mais il avait encore laissé sur les bords de la Manche de nombreux bataillons. Il y avait dans les deux camps, celui de gauche et celui de droite, des dépôts de presque tous les corps et des soldats de tous les pays de l'Europe, des Italiens, des Allemands, des Piémontais, des Hollandais, des Suisses, et jusqu'à des Irlandais. Les uniformes étaient très variés. Leur diversité pouvait être favorable pour me cacher. Cependant, je crus que ce serait mal me déguiser que d'emprunter l'habit militaire. Je songeais un instant à me faire soldat en réalité. Mais pour entrer dans un régiment, il lui fallut avoir des papiers, et je n'en avais pas. Je renonçais donc à mon projet. Cependant, le séjour à Boulogne était dangereux tant que je n'aurais pas trouvé à me fourrer quelque part. Un jour que j'étais plus embarrassé de ma personne et plus inquiet que de coutume, je rencontrai sur la place de la Haute-Ville un sergent de l'artillerie de marine que j'avais eu l'occasion de voir à Paris. Comme moi, il était artésien, mais embarqué presque enfant sur un vaisseau de l'État, il avait passé la plus grande partie de sa vie aux colonies. Depuis, il n'était pas revenu au pays et il ne savait rien de ma mésaventure. Seulement, il me regardait comme un bon vivant, et quelques affaires de cabaret, dans lesquels je l'avais soutenu avec énergie, lui avait donné une haute opinion de ma bravoure. « Te voilà, me dit-il, Roger Bontemps, et que fais-tu donc à Boulogne ? Ce que j'y fais ? Pays, je cherche à m'employer à la suite de l'armée. Ah, tu cours après un emploi. Sais-tu que c'est diablement difficile de se placer aujourd'hui ? Tiens, si tu veux suivre un conseil. Mais écoute, ce n'est pas ici que l'on peut s'expliquer à son aise. Entrons chez Galant. » Nous nous dirigeâmes vers une espèce de rogomiste dont le modeste établissement était situé à l'un des angles de la place. « Ah, bonjour, Parisien, » dit le sergent au cantinier. « Bonjour, père Dufailly. Que peut-on vous offrir ? Une potée ? Du doux ou du rude ? Vingt-cinq dieux, papa Galant, nous prenez-vous pour des rafalés ? C'est la fine rémoulade qu'il nous faut, et du 20 à 30, entendez-vous ? » Puis il s'adressa à moi. « N'est-il pas vrai, mon vieux, que les amis des amis sont toujours des amis ? Top là ! » ajouta-t-il en me frappant dans la main. Et il m'entraîna dans un cabinet où M. Galant recevait les pratiques de prédilection. J'avais grand appétit, et je ne vis pas sans une bien vive satisfaction les apprêts d'un repas dont j'allais prendre ma part. Une femme de 25 à 30 ans, de la taille, de la figure et de l'humeur de ses filles, qui peuvent faire le bonheur de tout un corps de garde, va nous mettre le couvert. C'était une petite liégeoise bien vive, bien enjouée, baragouinant son patois, et débitant à tout propos de grosses polissonneries qui provoquaient le rire du sergent, charmé qu'elle eût autant d'esprit. « C'est la belle sœur de notre hôte, me dit-il. J'espère qu'elle en a des beaux soirs. C'est gras comme une pelote, rond comme une bouée, aussi est-ce un plaisir. » En même temps, Dufailly, arrondissant la forme de ses mains, lui faisait des agaceries de matelot, tantôt l'attirant sur ses genoux, car il était assis, tantôt appliquant sur sa joue luisante un de ses baisers retentissants qui révèle un amour sans discrétion. J'avoue que je ne voyais pas sans peine ce manège qui ralentissait le service lorsque Mademoiselle Jeannette, c'était le nom de la belle-sœur de M. Galant, s'étant brusquement échappée des bras de mon amphitryon, revint avec une moitié de dinde fortement assaisonnée de moutarde et deux bouteilles qu'elle plaça devant nous. « À la bonne heure !» s'écria le sergent. « Voilà de quoi chiquer les vivres et pomper les huiles. Je vais m'en acquitter du bon coin. » Après ça, nous verrons, car dans la cassine, tout est à notre discrétion. Je n'ai qu'à faire signe. N'est-il pas vrai, Mademoiselle Jeannette ? Oui, mon camarade, continua-t-il. Je suis le patron de Séan. Je le félicitai sur tant de bonheur. Et nous commençâmes l'un et l'autre à manger et à boire largement. Il y avait longtemps que je ne m'étais trouvé à pareille fête. Je me lestais d'importance. Force bouteilles furent vidées. Nous allions, je crois, déboucher à la septième, lorsque le sergent sortit, probablement pour satisfaire un besoin, et entra presque aussitôt, ramenant avec lui de nouveaux convives. C'était un fourrier et un sergent-major. « 25 dieux ! J'aime la société !» s'écria Dufailly. « Aussi, pays, viens-je de faire deux recrues. Je m'y entends à recruter. Demandez plutôt à ces messieurs. » « Oh, c'est vrai !» répartit le fourrier. « À lui le coq, le papa Dufailly pour inventer des emblèmes et embêter le conscrit. » Quand j'y pense, fallait-il que je fusse l'offre pour donner un go dans pareil ? Ah, tu t'en souviens encore ? Oui, oui, notre ancien, je m'en souviens. et le major aussi, puisque vous avez le toupet de l'engager en qualité de notaire du régiment. Eh bien, n'a-t-il pas fait son chemin? Et mille noms d'une pipe, ne vaut-il pas mieux être le premier comptable d'une compagnie de canonniers que de gratter le papier dans une étude? Qu'en dis-tu, Fourier? Je suis de votre avis. Pourtant, tu me diras peut-être, toi, que tu étais plus heureux quand, dès le patron Minet, il te fallait empoigner l'arrosoir et te morfondre à jeter du ratafia de grenouille sur les tulipes. Nous allions nous embarquer à Brest sur l'Invincible. Tu ne voulais partir que comme jardinier fleuriste du bord. Allons, t'ai-je dit, va pour jardinier fleuriste. Le capitaine aime les fleurs, chacun son goût, mais aussi chacun son métier. J'ai fait le mien. Il me semble que je te vois encore. Étais-tu emprunté? Lorsqu'au lieu de t'employer à cultiver des plantes marines, comme tu t'y attendais, on t'envoyait faire la manœuvre de hauban sur du 36. Et lorsqu'il te fallut mettre le feu au mortier sur la bombarde, c'était là le bouquet. Mais ne parlons plus de ça, et buvons un coup. Allons au pays, verse donc à boire aux camarades. Je me mis en train d'emplir les verres. Tu vois, me dit le sergent, qu'ils ne m'en veulent plus. Aussi à nous trois maintenant ne faisons-nous plus qu'une paire d'amis. Ce n'est pas l'embarras. Je les ai fait joliment donner dans le panneau. Mais tout ça n'est rien. Nous autres recruteurs de la marine, nous ne sommes que de la Saint-Jean auprès des recruteurs d'autrefois. Vous êtes encore des blancs-becs, et vous n'avez pas connu Belle-Rose. C'est celui-là qui avait le truc. Dès que vous me voyez, je n'étais pas trop gnôle. Et cependant, il m'emmaillota le mieux du monde. Je crois que je vous ai conté ça, mais à tout hasard, je vais le répéter pour le pays. Dans l'ancien régime, voyez-vous, nous avions des colonies, l'île de France, Bourbon, la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, la Guyane, la Louisiane, Saint-Domingue, etc. À présent, ça fait brosse. Nous n'avons plus que l'île d'Oléron. C'est un peu plus que rien. Ou, comme dit cet autre, c'est un pied à terre en attendant le reste. La descente aurait pu nous rendre tout ça. Mais bah, la descente, il n'y faut plus songer, c'est une affaire faite. La flottille pourrira dans le port et puis on fera du feu avec la défroque. Mais je m'aperçois que je cours une bordée et que je vais à la dérive. En avant donc, Belle-Rose, car je crois que c'est de Belle-Rose que je vous parlais. Comme je vous le disais, c'était un gaillard qui avait le fil. Et puis, dans ce temps, les jeunes gens n'étaient pas si allurés qu'aujourd'hui. J'avais quitté Arras à 14 ans. Et j'étais depuis 6 mois à Paris en apprentissage chez un armurier, quand un matin le patron me chargea de porter au colonel des carabiniers, qui demeurait à la place royale, une paire de pistolets qu'il lui avait remis en état. Je m'acquittai célestement de la commission. Malheureusement, ces maudits pistolets devaient faire entrer 18 francs à la boutique. Le colonel me compta l'argent et me donna la pièce. Jusque-là, c'était à merveille. Mais ne voilà-t-il pas qu'en traversant la rue du Pélican, j'entends frapper un carreau. Je m'imagine que c'est quelqu'un de connaissance. Je lève le nez, qu'est-ce que je vois? Une madame de Pompadour qui, ses appâts à l'air, se carrait derrière une vitre plus claire que les autres et qui, par un signe de la tête, accompagné d'un aimable sourire, m'engageait à monter. On eût dit d'une miniature mouvante dans son cadre. Une gorge magnifique, une peau blanche comme de la neige, une poitrine large et par-dessus le marché une figure ravissante. Il n'en fallait pas tant pour me mettre en feu. J'enfile l'allée, je monte l'escalier 4 à 4, on m'introduit près de la princesse. C'était une divinité. « Approche, mon miston, me dit-elle, en me frappant légèrement sur la joue. Tu vas me faire ton petit cadeau, n'est-ce pas ?» Je fouille alors en tremblant dans ma poche et j'en tire la pièce que le colonel m'avait donnée. « Dis donc, petit, continua-t-elle, je crois ma foi de Dieu que t'es picard. Eh bien, je suis ta paise. Oh, tu payeras bien un verre de vin, ta paise. » La demande était faite de si bonne grâce. Je n'eus pas la force de refuser. Les 18 francs du colonel furent entamés. Un verre de vin en amène un autre, et puis 2, et puis 3, et puis 4. Si bien que je m'enivrais de boissons et de voluptés. Enfin, la nuit arriva, et je ne sais comment cela se fit, mais je m'éveillai dans la rue, sur un banc de pierre, à la porte de l'hôtel des fermes. Ma surprise fut grande en regardant autour de moi. Elle fut plus grande encore quand je vis le fond de ma bourse. Les oiseaux étaient dénichés. Quel moyen de rentrer chez mon bourgeois, ou aller coucher? Je pris le parti de me promener en attendant le jour. Je n'avais point d'autre but que de tuer le temps, ou plutôt, de m'étourdir sur les suites d'une première faute. Je tournai machinalement mes pas du côté du marché des innocents. « Fiez-vous donc, ô pays, me disais-je en moi-même. « Me voilà dans le beau drap, encore s'il nous restait quelque argent. J'avoue que dans ce moment il me passa de drôles d'idées par la tête. J'avais vu souvent affichés sur les murs de Paris portefeuille perdu avec 1 000, 2 000 et 3 000 francs de récompense à qui le rapporterait. Est-ce que je ne m'imaginais pas que j'allais trouver un de ces portefeuilles? Et dévisageant les pavés un à un, marchant comme un homme qui cherche quelque chose, j'étais très sérieusement préoccupé de la possibilité d'une si bonne aubaine, lorsque je fus tiré de ma rêverie par un coup de poing qui m'arriva dans le dos. « Eh bien, cadet, que fais-tu donc par ici ce matin ?»« Ah, c'est toi, Fanfan. Et par quel hasard dans ce quartier à cette heure ?» Fanfan était un apprenti pâtissier dont j'avais fait la connaissance au Porcheron. En un instant, il m'eut appris que depuis 6 semaines, il avait déserté le four, qu'il avait une maîtresse qui fournissait aux appointements, et que pour le quart d'heure, il se trouvait sans asile, parce qu'il avait pris fantaisie au monsieur de sa particulière de coucher avec elle. Au surplus, ajouta-t-il, je m'en bats l'œil. Si je passe la nuit à la souricière, le matin je reviens au gîte, et je me rattrape dans la journée. Fanfan, le pâtissier, me paraissait un garçon dégourdi. Je supposais qu'il pourrait m'indiquer quelque expédient pour me tirer d'affaire. Je lui peignis mon embarras. « Ce n'est que ça, me dit-il. Viens me rejoindre à midi au cabaret de la barrière des sergents. Je te donnerai peut-être un bon conseil. Dans tous les cas, nous déjeunerons ensemble. » Je fus exact au rendez-vous. Fanfan ne se fit pas attendre. Il était arrivé avant moi. Aussitôt que j'entrai, on me conduisit dans un cabinet où je le trouvai en face d'une cloyère d'huîtres attablée entre deux femelles, dont l'une, en m'apercevant, partit d'un grand éclat de rire. « Et qu'a-t-elle donc celle-là ? » s'écria Fanfan. « Eh, Dieu me pardonne, c'est le pays ?»« C'est la Payse, » dis-je à mon tour un peu confus. « Oui, mon minet, c'est la Payse. » Je voulus me plaindre du méchant tour qu'elle m'avait joué la veille, mais, en embrassant Fanfan, qu'elle appelait son lapin, elle se prit à rire encore plus fort, et je vis que ce qu'il y avait de mieux à faire était de prendre mon parti en brave. « Eh bien, » me dit Fanfan, en me versant un verre de vin blanc et m'allongeant une douzaine d'huîtres, « tu vois qu'il ne faut jamais désespérer de la Providence. Les pieds de cochon sont sur le grill. Aimes-tu les pieds de cochon ?» Je n'avais pas eu le temps de répondre à sa question que déjà ils étaient servis. L'appétit avec lequel je dévorais était tellement affirmatif que Fanfan n'eut plus besoin de m'interroger sur mon goût. Bientôt le chablis m'eut mis en gaieté. J'oubliais les désagréments que pourrait me causer le mécontentement de mon bourgeois, et comme la compagne de ma Payse m'avait donné dans l'œil, je me lançai à lui faire ma déclaration. Foi du Dufailly, elle était gentille à croquer, elle me rendit la main. Tu m'aimes donc bien, me dit Fanchette, c'était le nom de la Péronnelle. Si je vous aime. Eh bien, si tu veux, nous nous marierons ensemble. C'est ça, dit Fanfan, mariez-vous. Pour commencer, nous allons faire la noce. Je te marie, cadet, entends-tu? Allons, embrassez-vous. Et en même temps, il nous empoigna tous deux par la tête pour rapprocher nos deux visages. Pauvre chéri, s'écria Fanchette, en me donnant un second baiser, sans l'aide de mon ami. Sois tranquille, je te mettrai au pas. J'étais aux anges. Je passais une journée délicieuse. Le soir, j'allais coucher avec Fanchette, et sans vanité, elle s'y prit si bien qu'elle eut tout lieu d'être satisfaite de moi. Mon éducation fut bientôt faite. Fanchette était toute fière d'avoir rencontré un élève qui profitait si bien de ses leçons. Aussi me récompensait-elle généreusement. À cette époque, les notables venaient de s'assembler. Les notables étaient de bons pigeons. Fanchette les plumait et nous les mangeions en commun. Chaque jour, c'était des bonbons à n'en plus finir. Nous ont-ils fait faire des gueuletons, ces notables? Nous en ont-ils fait faire? Sans compter que j'avais toujours le gousset garni. Fanchette et moi, nous ne refusions rien. Mais que les instants du bonheur sont courts, oh oui, très courts. Un mois de cette bonne vie s'était à peine écoulé, que Fanchette et ma Payse furent arrêtés et conduits à la force. Qu'avait-elle fait? Je n'en sais rien. Mais comme les mauvaises langues parlaient du sceau d'une montre à répétition, moi, qui ne me souciais pas de faire connaissance avec monsieur le lieutenant-général de police, je jugeais prudent de ne pas m'en informer. Cette arrestation était un coup que nous n'avions pas prévu. Fanfan et moi nous en fûmes atterrés. Fanchette était si bon enfant. Et puis maintenant, que devenir? Plus de ressources, me disais-je. La marmite est renversée. Adieu les huîtres, adieu le chablis, adieu les petits soins. N'aurait-il pas mieux valu rester à mon étau? De ce côté, Fanfan se reprochait d'avoir renoncé à ses brioches. Nous nous avancions ainsi tristement sur le quai de la ferraille, lorsque nous fûmes tout à coup réveillés par le bruit d'une musique militaire, deux clarinettes, une grosse caisse et des cymbales. La foule s'était rassemblée autour de cet orchestre porté sur une charrette, au-dessus de laquelle flottait un drapeau et des panaches de toutes les couleurs. Je crois qu'on jouait l'air, ou peut-être mieux qu'au sein de sa famille. Quand les musiciens eurent fini, les tambours battirent un banc. Un monsieur galonné sur toutes les coutures se leva et prit la parole, en montrant au public une grande pancarte sur laquelle était représenté un soldat en uniforme. « Par l'autorisation de Sa Majesté, dit-il, je viens ici pour expliquer au sujet du roi de France les avantages qu'il leur fait en les admettant dans ses colonies. Jeunes gens qui m'entouraient, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler du pays de Cocagne. C'est dans l'Inde qu'il faut aller pour le trouver, ce fortuné pays. C'est là que l'on a tout à gogo. Souhaitez-vous de l'or, des perles, des diamants? Les chemins en sont pavés. Il n'y a qu'à se baisser pour en prendre. Et encore, ne vous baissez-vous pas. Les sauvages les ramassent pour vous. Aimez-vous les femmes? Il y en a pour tous les goûts. Vous avez d'abord les négresses, qui appartiennent à tout le monde. Viennent ensuite les créoles, qui sont blanches comme vous et moi, et qui aiment les blancs à la fureur, ce qui est bien naturel dans un pays où il n'y a que des noirs. Et remarquez bien qu'il n'est pas une d'elles qui ne soit riche comme un Crésus, ce qui, soit dit entre nous, est fort avantageux pour le mariage. Avez-vous la passion du vin? C'est comme les femmes, il y en a de toutes les couleurs, du Malaga, du Bordeaux, du Champagne, etc. Par exemple, vous ne devez pas vous attendre à rencontrer souvent du Bourgogne. Je ne veux pas vous tromper, il ne supporte pas la mer, mais demandez de tous les autres crus du globe, à cible dans la bouteille, vu la concurrence, on sera trop heureux de vous en abreuver. Oui, monsieur, à six blancs. Et cela ne vous surprendra pas quand vous saurez que quelquefois 100, 200, 300 navires tout chargés de vin sont arrivés en même temps dans un seul port. Peignez-vous l'embarras des capitaines. Pressés de s'en retourner, ils déposent leur cargaison à terre en faisant annoncer que ce sera leur rendre service de venir puiser gratis à même les tonneaux. Ce n'est pas tout. Croyez-vous que ce ne soit pas une grande douceur que d'avoir sans cesse le sucre sous sa main? Je ne vous parle pas du café, des limons, des grenades, des oranges, des ananas et de mille fruits délicieux qui viennent là sans culture comme dans le paradis terrestre. Je ne dis rien non plus de ces liqueurs des îles dont on fait tant de cas et qui sont si agréables que, sauf votre respect, il semble en les buvant que le bon Dieu et les anges vous pissent dans la bouche. Si je m'adressais à des femmes ou à des enfants, je pourrais leur vanter toutes ces friandises, mais je m'explique devant des hommes. Fils de famille, je n'ignore pas les efforts que font ordinairement les parents pour détourner les jeunes gens de la voie qui doit les conduire à la fortune. Mais soyez plus raisonnables que les papas et surtout que les mamans. Ne les écoutez pas quand ils vous diront que les sauvages mangent les Européens à la crococelle. Tout cela était bon au temps de Christophe Colomb ou de Robinson Crusoe. Ne les écoutez pas quand ils vous feront un monstre de la fièvre jaune. La fièvre jaune, eh messieurs, s'il était aussi terrible qu'on le prétend, il n'y aurait que des hôpitaux dans le pays, et Dieu sait qu'il n'y en a pas un seul. Sans doute, on vous fera encore peur du climat. Je suis trop franc pour ne pas en convenir. Le climat est très chaud. Mais la nature s'est montrée si prodigue de rafraîchissement qu'en vérité, il faut y faire attention pour s'en apercevoir. On vous effraiera de la piqûre des maringouins, de la morsure des serpents à sonnette. Rassurez-vous. N'avez-vous pas vos esclaves toujours prêts à chasser les uns? Quant aux autres, ne font-ils pas du bruit tout exprès pour vous avertir? On vous fera des comptes sur les naufrages. Apprenez que j'ai traversé les mers 57 fois, que j'ai vu et revu le bonhomme tropique, que je me soucie d'aller d'un pôle à l'autre comme d'avaler un verre d'eau, et que sur l'océan, où il n'y a ni train de bois ni nourrice, je me crois plus en sûreté à bord d'un vaisseau de 74 que dans les casemates du coche d'Auxerre ou sur la galiote qui va de Paris à Saint-Cloud. En voilà bien assez pour dissiper vos craintes. Je pourrais ajouter au tableau de ces agréments. Je pourrais vous entretenir de la chasse, de la pêche. Figurez-vous des forêts où le gibier est si confiant qu'il ne songe pas même à prendre la fuite, et si timide qu'il suffit de crier un peu fort pour le faire tomber. Imaginez des fleuves et des lacs où le poisson est si abondant qu'il les fait déborder. Tout cela est merveilleux, tout cela est vrai. J'allais oublier de vous parler des chevaux. Des chevaux, messieurs, on ne fait pas un pas sans en rencontrer par milliers. On dirait des troupeaux de moutons. Seulement, ils sont plus gros. Êtes-vous amateur? Voulez-vous monter? Vous prenez une corde dans votre poche. Il est bon qu'elle soit un peu longue. Vous avez la précaution d'y faire un nœud coulant. Vous saisissez l'instant où les animaux sont à paître, alors ils ne se doutent de rien. Vous vous approchez doucement, vous faites votre choix, et quand votre choix est fait, vous lancez la corde. Le cheval est à vous. Il ne vous reste plus qu'à l'enfourcher ou à l'emmener à la longe si vous le jugez à propos. Car notez bien qu'ici, chacun est libre de ses actions. Oui, messieurs, je le répète, tout cela est vrai, très vrai, excessivement vrai. La preuve, c'est que le roi de France, Sa Majesté Louis XVI, qui pourrait presque m'entendre de son palais, m'autorise à vous offrir de sa part tant de bienfaits. Oserais-je vous mentir si près de lui? Le roi veut vous vêtir, le roi veut vous nourrir, il veut vous combler de richesses. En retour, il n'exige presque rien de vous. Point de travail, bonne paye, bonne nourriture, se lever et se coucher à volonté, l'exercice une fois par mois, la parade à la Saint-Louis. Pour celle-là, par exemple, je ne vous dissimule pas que vous ne pouvez pas vous en dispenser, à moins que vous n'en ayez obtenu la permission et on ne la refuse jamais. Ces obligations remplies, tout votre temps est à vous. Que voulez-vous de plus? Un bon engagement? Vous l'aurez. Mais dépêchez-vous, je vous en préviens. Demain, peut-être, il ne sera plus temps. Les vaisseaux sont en partance, on n'attend plus que le vent pour mettre à la voile. Accourez donc, Parisiens, accourez. Si par hasard vous vous ennuyez d'être bien, vous aurez des congés quand vous voudrez. Une barque est toujours dans le port, prête à ramener en Europe ceux qui ont la maladie du pays. Elle ne fait que ça. Que ceux qui désirent avoir d'autres détails viennent me trouver. Je n'ai pas besoin de leur dire mon nom, je suis assez connu. Ma demeure est à 4 pas d'ici. Au premier réverbère, maison du marchand de vin. Vous demanderez M. Belle-Rose.